is that no way I give up. But in you is that Non, c'est pas ça. Putain, oh, je sais plus. que Salut Vilos, on essaye de faire du Beatles, mais bon, le massacre. Le massacre. Il y a un ré. Beatles, ils sont dégoûtés là. Partir à 1, mais merde, putain, je vois pas le 1 avec les paroles. Pouah. Il est où le 1? Tac, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire plaisir à Adam? Polish, English Polish. Plus j'aime pas les Beatles. Déjà que je joue mal. Une dernière. la batterie c'est encore plus pourri. Ah, j'arrive pas à me caler sur ça. Sur la batterie, j'arrive pas. Thank you. nécessaire. Bah. What you wanna do? Do we wanna take on my? The weeds of the presque. Il y a pourtant la tablature devant mes yeux. Il y a le petit machin là sur la tablature. C'est où ça? Ah, le riff. Peut-être. Ça va pas, c'est pas. ben moi, Back in USSR, j'ai bien massacré. Back in France. Back in France. Tu as bien massacré cette chanson. Thank you.